Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule radio. Je suis toujours Luc Desormeaux et avec moi cette semaine, quelqu'un qui m'appelle d'un voyage de presse, mais pourtant il est dans le même fuseau horaire, juste un petit peu plus haut, au nord, dans une belle région qu'on appelle le Mont-Tremblant. Marc Bouchard, salut Marc. Salut mon cher. Oui, écoute, j'avoue que j'ai beaucoup apprécié les couleurs. En fait, les trois arbres en couleurs que j'ai pu voir aujourd'hui. Ouais, Parce c'est pas que. fini pas mal dans le nord, les couleurs déjà? Non, pas du tout. Non, Non, vraiment, les OK. couleurs sont encore toutes là. Le problème, en fait, c'est qu'il y avait tellement de brume qu'on voyait rien. Ah. Mais bon, c'est pas grave, c'est le fun, T'as c'est vu les plus agréable, petits c'est beau. arbres, ceux qui étaient le plus ras du sol, t'as vu qu'il y avait des couleurs dessus. Exactement. Ouais. Exactement. Les couleurs étaient belles aussi la semaine passée à Québec, quand on est allé pour l'événement de Kia. Donc, t'es encore chez Kia cette semaine. L'impression que tu travailles pour Kia là, Oui, récemment. effectivement, c'est ça. Je t'avais dessus le payroll. Non, pas vraiment. Mais oui, effectivement, je suis ici avec Kia pour essayer la nouvelle Kia Forte 2019. OK, déjà les 2000, pas déjà les 2019. On est à l'automne, normalement, c'est la saison des 2019. Tu as eu l'occasion de la rouler déjà aujourd'hui. C'est drôle parce que ce soir, tu soupais avec la gang de Kia et normalement, c'est on arrive, on soupe le soir et le lendemain, on essaie les voitures. Là, tu es arrivé, tu as essayé la voiture, tu soupes et Non, demain non, matin, non, tu non, t'en non, non, retournes. non. Non? Attention, non, non, non, non, je suis arrivé hier. OK. Ah, hier, excusez. En fait, le parcours, c'était qu'on partait d'Ottawa. OK. Donc, hier, je me suis rendu à Ottawa en train. D'ailleurs, j'ai adoré l'expérience de me rendre en train parce que j'ai traversé Montréal sans me faire suer dans le trafic. J'adorais ça. Et je me suis rendu à Ottawa. Et de Ottawa, on est parti ce matin. On a roulé dans ce coin-là. On est allé jusqu'au Château Montebello. Puis, on a pris les routes de campagne pour s'en venir ici au Mont-Tremblant. Donc, on a quand même fait, là, je te dirais 200 quelques kilomètres, un petit peu plus, au volant de la voiture aujourd'hui. Et demain, ben, c'est une route directe, c'est-à-dire qu'on part d'ici Mont-Tremblant et on descend directement à Montréal là, pour retourner là-bas. OK, c'est bien. Donc, vous conduisez les voitures pour vous rendre, c'est quand même intéressant. Oui, effectivement. Et c'est une voiture qui, honnêtement, m'a beaucoup impressionné. OK. Faut que je te le dise. OK. C'est, comment je pourrais dire, la silhouette, elle est belle. C'est sûr qu'on n'est pas loin d'une Elantra, là, on s'entend. C'est pas mal le même genre. Même motorisation et en Ouais, plus. même motorisation, entre autres le 2 litres, là, qui est le même aussi. 147 chevaux. C'est pas hyper puissant, c'est correct. On n'est pas dans la grande passion. Par contre, honnêtement, c'est un véhicule que j'ai trouvé fort impressionnant dans sa conduite. OK. Un véhicule qui s'est avéré plus silencieux que ce à quoi je m'attendais. Je t'avoue que j'avais lu les critiques américaines avant, parce qu'ils l'ont conduit il y a 2, 3 semaines, puis les autres disaient « Ah, oh, mon Dieu, l'insonorisation, c'est pas bon. » Non, non, c'est pas vrai, là. Moi, j'ai bien aimé l'insonorisation de ce véhicule-là. J'ai bien aimé le confort, les sièges. On a vraiment réaménagé les sièges de la Forte et on arrive avec des sièges qui sont très confortables. Moi, j'avais une version qui n'était pas tout à fait la version de base, qui est la version juste au-dessus, qui s'appelle la EX, qui, dit-on, devrait composer à peu près 47% des ventes. Oui, la majorité des ventes se déroulent dans cette gamme-là, là, ouais, dans ce C'est ça. ouais. On parle d'un véhicule qui vaut aux alentours, ben, tu vois, la version la plus chère vaut 28 000, quelque chose, tu sais. OK, ouais. Fait qu'on n'est pas, on n'est pas là du tout, un petit peu moins que ça. En fait, ce qui est intéressant, c'est que l'intérieur est agréable, les sièges sont bien faits, sont confortables, sont vraiment d'un bon confort. Puis on a roulé, puis je dois dire que j'étais avec un collègue. Tu sais, moi, je suis pas nécessairement un modèle comme mannequin, taille mince, là, tu sais. Non, non, mais c'est mieux que c'était déjà. Oui, c'est mieux que c'était, mais Ouais. mon collègue et moi, fois deux, tu sais. OK. On On salue va ton dire ça. collègue, dont on ne nommera pas le nom. Bon, on s'en fout, de toute façon, il parle juste anglais. Fait Ah, que, OK, bon, c'est bon. mais l'idée, c'est qu'il est un peu plus imposant que moi encore. Et malgré tout, malgré la façon dont les choses se sont déroulées, malgré les routes assez sinueuses des Laurentides qu'on a empruntées, ben jamais il y a eu d'inconfort d'aucune façon. On était bien, on était stable, on était bien retenu, peu importe le dynamisme de la conduite. Et bon, tu sais, ça allait bien. La voiture propose aussi trois modes de conduite. En fait, un mode normal qui est assez standard, un mode qu'on appelle le Smart Mode, où là, ben, c'est la version éco, là. Tu sais, là, on économise un peu l'essence, on est plus smooth un peu avec les changements de rapport et tout ça. Et tu as le mode sport qui, lui, est un petit peu plus agressif et on le sent quand on regarde, en fait, le régime moteur notamment. Okay. Sauf que ce qui est particulier, c'est qu'on a une... Si je te parle d'une IVT, ouais. Est-ce que tu sais ce que... Ben, IVT, c'est pas normal une transmission qu'on va mettre sur une voiture hybride ou électrique. C'est pas comme une CVT, mais je sais pas. Ouais, intelligente. Ouais. Hein. Ouais. L'idée, en fait, c'est que c'est une CVT. Là. On va juste se dire les vraies affaires. C'est une CVT, mais CVT qui compte, au lieu, dans ce cas-ci, au lieu de travailler avec une courroie traditionnelle, on travaille avec une chaîne métallique. Donc, ça donne des rapports, ça donne vraiment une façon. Une sensibilité un peu plus grande. Et on a simulé 8 rapports. Okay. Donc, ça a permis vraiment là, de gérer ça de façon très efficace. Et honnêtement, moi qui ne suis pas du tout un fan de CVT, mais alors là, pas du tout, je ne peux même pas te dire que ça m'a dérangé. Okay. Okay. C'est à ce point-là. OK, c'est bon parce que je trouvais ça un peu dommage parce que Kia et Hyundai étaient vraiment les deux constructeurs qui restaient loin des CVT pour l'instant, qui avaient même des transmissions automatiques, ça se rapporte dans leur voiture hybride. Puis là, qu'on aille avec une CVT, je disais, bon, ça y est, pourquoi? Mais là, si tu me dis que ça va bien, au moins, c'est moins bien, dérangeant. Il ouais. Faut faire attention, il faut se rappeler que la i20 européenne avait une CVT chez Hyundai. Là. OK, ouais. En Amérique du Nord, c'était les transmissions régulières partout. Oui, je comprends, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas complètement étranger à ça. OK, OK. Fait que ceci étant dit, la CVT va très bien. L'ergonomie intérieure, écoute, c'est bien fait, la finition est bonne. Bien sûr, tu as l'écran qui est logé en haut de la console centrale, comme tout le monde, là, on ne réinvente rien. Écran tactile qui est assez efficace, assez rapide. Ça va très bien. Honnêtement, je ne peux pas me plaindre à ce niveau-là. J'ai été relativement impressionné. Bon système de son aussi. Et bien sûr, la compatibilité avec UVO. UVO qui est le système avec une application qui te permet, entre autres, d'avoir un démarrage à distance, un déverrouillage à distance avec ton téléphone intelligent. Ça aussi, okay. C'est une bonne chose. Est-ce que ça marche au Canada maintenant? Oui, c'est bon? Oui, ça okay. marche au Canada, il n'y a pas de problème. Donc, okay. UVO est là, est efficace. C'est bon. J'ai beaucoup ri parce que dans certaines versions, on a, entre autres, même dans la version qu'on avait, tu as une recharge par induction. OK, ouais, ouais. Téléphone cellulaire. Le problème, c'est qu'au Canada, au Québec, c'est pas légal. Parce qu'on voit l'écran? Parce qu'au Québec, rappelle-toi qu'au Québec, la loi dit que ton appareil électronique doit être dans un support fixe. Tu n'as même pas le droit de l'avoir dans ton porte-gobelet. Il faut absolument qu'il soit dans un support fixe ou carrément dans tes poches. Alors que là, on le laisse libre finalement dans la console centrale pour qu'il se recharge. Fait qu'évidemment, c'est techniquement pas légal au Canada. Ce qui est quand même un peu ironique là, parce que je trouve ça un peu spécial. Au Canada ou juste au Québec? Au Québec plutôt. OK, c'est bon. Ouais, puis quand j'ai appris ça, quand j'ai dit ça aux gens de Kia, je leur ai d'ailleurs envoyé le lien. Ils étaient un peu étonnés de la chose, mais écoute, c'est la loi au Québec, donc en théorie, on ne peut pas s'en servir. Ceci étant dit, pour le reste, c'est vraiment une voiture. Elle est jolie, elle est mignonne, elle a une belle silhouette. C'est vraiment une Forte qui est beaucoup plus grande. Hein. Elle a grandi de presque, si je me souviens bien, c'est 11 cm de longueur. OK. Ouais. C'est énorme là, comme différence. Puis tu le vois à l'œil. Il y a plus d'espace en arrière, il y a des sièges beaucoup plus confortables, il y a tous les systèmes aussi technologiques embarqués, là, aide au maintien en voie, aide au freinage automatique, ce genre d'affaires-là. Donc, ça va très, très bien. Honnêtement, moi, c'est une voiture que, dans un marché qui est hyper compétitif, je m'attendais qu'il y ait de la misère et honnêtement, moi, je les vois compétitionner les ténors de la catégorie. Là. Ils sont pas tout à fait à la hauteur de la Civic parce que la Civic est un peu à part, mais je te dirais qu'ils sont pas loin dans un marché où vraiment ils sont compétitifs et ils ont un rapport qualité-prix vraiment, vraiment intéressant. Ben, à la base, l'Elantra est une voiture très, très compétitive, une des bonnes voitures de sa catégorie. Donc, on n'est pas tellement loin vu qu'on partage beaucoup de mécanique puis de la voiture, c'est la cousine très, très proche de l'Elantra, là. Donc, on n'avait pas un grand chemin à faire pour faire une voiture qui était compétitive aussi, en partant. Non, effectivement. Mais vraiment, c'est très, très, très bien réussi. Je suis favorablement impressionné de cette voiture-là, sincèrement. Ben, tant mieux d'abord. Ouais, ça m'arrive parfois positif de même, Mario. C'est ça, ça aurait été une voiture qui se vend bien au Québec. On en voit pas mal sur les routes. Donc j'ai l'impression que la nouvelle version ne sera pas différente. Non, effectivement, d'après moi, ça va être pas mal ça aussi, là. On est pas mal là-dedans. Et à part de ça, pour finir le bloc, est-ce que tu as quelques nouvelles pour nous? Ouais, quelques nouvelles qui vont réjouir certains amateurs de conduite, entre autres le Ford Bronco. On sait que Ford va nous arriver en 2020 avec un Bronco ressuscité, on l'attendait. On n'a pas tous les détails mécaniques, évidemment, là, parce que ça va sortir en 2020, donc ça va être plus à partir de 2019 qu'on va l'entendre. Sauf qu'on a vu passer cette semaine à l'effet qu'il y aurait une boîte manuelle sur le Bronco. Ah, ce qui pourrait être Boîte intéressant. manuelle et toit amovible. Donc, on est vraiment dans un monde particulier. Ça devrait être fort intéressant, évidemment, parce que c'est quand même très cool comme idée, là. Le Bronco est très attendu. C'est un véhicule que moi, j'aime beaucoup. En tout cas, les anciens. Oui, c'est On ça. verra Ça fait un ça bout va de donner. temps que ça n'existe plus, mais oui, Non, c'est ça. c'est quand même un nom qui résonne, que les gens se rappellent d'eux, là. Ouais, c'est une espèce d'icône là, en son genre. Alors, je pense que c'est très intéressant comme idée d'arriver avec une boîte manuelle, même si il y a eu des statistiques qui sont sorties récemment concernant les boîtes manuelles. Et semble-t-il que ce n'est pas nécessairement l'affaire la plus haute au monde. En fait, il semble, selon un site américain qui s'appelle CarMax, que seulement 3,7% des véhicules vendus en ligne par CarMax étaient des véhicules manuels. Ouais, c'est plus 3,7%. niche, c'est plus niche maintenant. À 3,7, c'est quasiment plus de niche rendu là, c'est quasiment une exception. Ouais. Il faut se rappeler qu'il y a 20 ans, on parlait de 27% à peu près Ouais, des voitures qui étaient manuelles. mais les transmissions automatiques sont tellement rendues efficaces maintenant, et tellement plus rapides même que presque les meilleurs pilotes que c'est une transmission manuelle, c'est vraiment pour le plaisir de la chose de changer tes propres rapports, là. Mais pour le Effectivement, reste, c'est parce qu'on est des maniaques, là. ben ça, puis on est pris, le trois quarts du temps, on est pris dans la circulation, puis y a-tu de quoi de plus plate à un moment donné que changer des vitesses à tout bout de champ dans la circulation, là. Je le sais, dernièrement, j'avais une voiture manuelle, j'ai adoré ça jusqu'à temps que je sois pris dans la circulation un matin. Là, je l'aimais un peu moins, mais pour le reste, c'est le fun, là, mais c'est ça. C'est pas. Quelqu'un qui travaille en ville, une transmission automatique, une transmission manuelle, c'est pas la chose à acheter. Vous êtes beaucoup mieux qu'une transmission automatique. Non, effectivement, là, mais tu sais, c'est sûr que quand même, là, c'est agréable à conduire, ça donne un bon feeling, ça donne une bonne, tu sais, mais bon. Une impression Non, de contrôle un peu accrue. exactement, comme tu dis, comme tu parles bien, Eh, mon ça Dieu. m'arrive de temps en temps. As-tu une petite dernière nouvelle pour nous avant qu'on change de bloc? Ben oui, en fait, il va y avoir un toi qui aimes les voitures électriques. En 2020, Jeep, tu sais, va avoir un véhicule hybride avec son Jeep Wrangler. Mais il y aura aussi une version PHEV, donc un plug-in hybride électrique pour le Renegade. Ah, bonne idée. Petit Ça, c'est véhicule. intéressant. Ouais. Exactement. C'est que ça, c'est intéressant parce que c'est un petit véhicule, donc qui va quand même conserver, semble-t-il, ses capacités en route. Mais évidemment, on parle à ce moment-là d'un hybride chargeable. On verra ce que ça va donner au niveau des capacités. On n'a pas tous les détails. On verra là. Mais on dit que de toute façon, Chrysler, Fiat, Jeep devraient offrir en 2022 12 versions différentes de sa motorisation électrifiée en tout ou en partie. OK, bon, ça va être une bonne nouvelle, on va voir. Ils n'ont pas le choix, de toute façon, à un moment donné, de s'en aller vers ça, là. Mais même s'il était un peu réticent avec la Fiat 500 électrique, on avait Il n'était pas un entendu. peu réticent, là. Ouais, il était beaucoup réticent. Il était clairement en dehors de leur pompe, là. Ouais, c'est ça. C'était s'il vous plaît, achetez-en pas parce que ça nous coûte cher à chaque fois que vous en achetez une. On aime autant pas en vendre. Mais bon, c'est quelque chose qui va être qui, ben, obligatoire. Moins avec les normes café qui disparaissent tranquillement sous l'ère Trump, là. Mais en tout cas, ça devient quand même un must pour les constructeurs parce que les clients en veulent ou au moins veulent s'en voir offrir, là. Fait que le Renegade hybride rechargeable, je pense que c'est une bonne idée. Je pense que ça pourrait être un succès chez Jeep. On va voir. Donc c'est bon, Marc, on va faire une pause, puis on va revenir tout de suite après avec nos essais de la semaine. Nous sommes de retour et c'est l'heure de nos essais de la semaine. Marc, tu vas nous parler d'un véhicule, ma foi, très intéressant. un véhicule qui n'a pas nécessairement beaucoup de compétition dû à son aspect un peu, on disait niche pour les transmissions manuelles, c'est très niche comme style de voiture aussi. La Subaru BRZ en version TS. Ouais, TS, c'est encore pire, hein, parce que TS, c'est une version en édition limitée, là. Donc, on est vraiment dans un autre monde. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est, puis tu as raison quand tu dis qu'il n'y a pas beaucoup de compétition, parce que la seule compétition réelle, c'est la Toyota 86, qui est littéralement la jumelle de cette C'est voiture-là, ça. qui est pareil, là, tu sais. Alors, ça, La c'est. seule chose qu'on peut rajouter, si vraiment on peut se faire un peu, c'est la MX-5 chez Mazda, là. Mais Ouais, non, mais là, ça, c'est pas c'est la même tiré chose, fort. mais tu sais, c'est vraiment les seules voitures qui sont dans cette catégorie-là, là, amusantes à conduire, un peu sportives, là. Ben ouais, tu peux aller plus loin si tu t'as inclus, je sais pas moi, des Alfa Romeo 4C de ce monde et des trucs On n'est comme pas ça. dans les mêmes prix, par exemple, mais ouais, c'est ça. Non, mais ta MX-5 est une cabriolet. Ouais, On n'est puis elle est un plus dans deux le même monde. places. Fait que Ouais, mais finalement, j'ai rien dit. ça, on va se dire les vraies affaires, là. Une BRZ, là, OK? Moi, là, je suis prêt à mettre une paye que t'es pas capable de survivre Montréal-Québec assis en arrière. Moi, sûrement pas. Non. Ah non, non, pas juste toi, là. C'est comme. Je ne connais personne que je déteste assez pour faire ça. Mon fils avait fait Valleyfield tremblant à l'arrière d'une BRZ, ouais, d'une BRZ il y a quelques années, là. Puis c'était pas trop plein, mais mon fils, il est assez Il t'a compact. détesté cordialement. Non, il avait pas détesté ça, mais il est compact, puis ma femme est pas tellement grande, donc elle est capable d'avancer son siège. Fait que mon Ah, fils était c'est ça. confortable en arrière, là. Mais si tu mets quelqu'un de grand en avant, puis quelqu'un de grand en arrière, oublie ça, là. Je pense qu'il apprécierait plus être plié puis mis dans valise que d'être assis en arrière, théoriquement. Ouais, mais en tout cas. Moi, en tout cas, je trouve ça particulier comme idée parce que c'est vraiment, vraiment minuscule, là. Tu sais, c'est parfait pour mettre la sacoche de ma femme, mais à part ça sert pas à grand-chose. Ouais, Et. faut se le dire, c'est une question de prime d'assurance au Japon. Oh, oui, exactement. Puis de surtaxe, puis de Ouais, tout ce que c'est tu ça. veux. Et l'idée, en fait, c'est que c'est dommage parce que pour le reste, c'est une voiture qui est absolument spectaculaire et exceptionnelle. C'est une auto qui a une tenue de route absolument incroyable. En version TS, TS en passant, là, ça veut dire Tuned by STI, donc tuné par STI. On a vraiment rajouté des éléments extrêmement dynamiques sur la voiture. Bon, l'espèce d'aileron, table de pique-nique ajustable, là, ça on aime ou on n'aime pas, là, parce que c'est, mettons qu'il est tout sauf discret, on va se dire les vraies affaires Ça encore. donne une allure, spéciale, mais oui, c'est ça. Oh, ouais, c'est Ouais. ça. Alors, il est tout sauf discret. Par contre, on a rajouté des éléments aérodynamiques, on a rajouté des suspensions qui sont aussi différentes. Bref, on a vraiment un véhicule qui contrôle beaucoup mieux le roulis, qui contrôle beaucoup mieux le tout ce qui va en termes de, je dirais, de tout ce qui est tangage. Vraiment, là, ça se contrôle vraiment très bien et ça permet de placer la voiture, qui est une propulsion en passant, parce que c'est la seule Subaru qui n'a pas le rouage intégral. Ça permet vraiment de placer la voiture en conduite dynamique de façon spectaculaire. J'avais eu l'occasion d'essayer la version de base sur une piste. J'avais été impressionné. La version TS, je ne l'ai pas essayé sur la piste, mais honnêtement, même sur la route ordinaire, c'était vraiment, vraiment au-delà de mes espérances. Ceci étant dit, on a mis plein d'affaires. Frein Brembo, étrier de frein plus gros, des roues en carbone. Tu sais, là, c'est vraiment une voiture qui attire les regards, mais on a gardé la même mécanique. Ouais, c'est Fait vraiment que ça, c'est tuné ça. par STI et non pas motorisation par STI, parce Fait que qu'on se retrouve avec le même 205 HP, en fait. ouais. Ça serait encore pas si mal. Même s'ils sont assez élevés, là, on parle à 7000 tours, ça commence à être élevé. Mon gros problème, c'est le couple à 156 livres-pieds. Ouais, ce qui Ce qui est vraiment bas, là. ça vient un peu atténuer le plaisir. Oui, pas mal, je te dirais. Ouais. Et au moins, c'est une boîte manuelle de série sur la version TS. Donc, tu peux t'amuser un peu avec le levier, tu peux jouer avec, tu peux. Ça, il y a ce côté-là qui est intéressant, mais pour le reste, ça manque vraiment de oomph. On aurait envie que ça fasse un peu plus là, quand on accélère. Là. Tu sais, quelque chose là, qu'on ressemble davantage. C'est Tu fais ce probablement le bruit-là, défaut. mais pas pour les mêmes raisons. Non, c'est ça. Ça finit tout par « Oh, que non! » Ben, en tout cas, m'attendais à mieux, mais bon, c'est ça. c'est ça. Mais, et c'est dommage parce que la voiture, on le sait, on le ressent, elle a tout ce qu'il faut pour recevoir beaucoup plus de puissance. Elle est vraiment prête à être une vraie sportive. Là, c'est un peu une sportive de salon, là. C'est un peu comme si moi, je me mettais à porter des chandails avec des muscles gonflés dessinés dessus, puis que quand j'enlevais le chandail, ben, je me retrouvais avec ma bédaine ordinaire. T'sais. C'est de la fausse représentation dans une certaine mesure. Ouais, oh ouais. Fait que, tu sais, c'est dommage. parce que c'est le côté. Puis en même temps, là, on va se dire là, encore une fois les vraies affaires, c'est clairement un véhicule qui donne beaucoup de plaisir de conduire. C'est fait pour ça et ça en donne énormément. Et ça, je suis heureux de le dire. Mais on aimerait ça d'en avoir un petit peu plus. Il faut dire que la direction, elle est incroyablement précise, que les suspensions sont vraiment très bonnes, que la position de conduite est parfaite. Bon, même si dans mon cas, là, sortir et rentrer, c'est, comme je le dis souvent, plus graisseux que gracieux. Mais c'est vraiment le fun comme conduite. Et ça le mérite d'être assez différent. L'autre problème, écoute, 37 395 $ pour la version TS. Comment c'est cher? Ouais, ben tu sais, surtout quand tu sais que la version de base est à 27 000. La version Sportech est à 31 000. Tu sais, tu dis, écoute, c'est 6 000 $. Oui, je comprends qu'il y a toutes sortes d'éléments aérodynamiques puis des suspensions puis ce que tu veux. Mais en même temps, est-ce que ça vaut la peine? Je suis pas certain que ça vaut la peine de payer pour cette édition limitée. Mais c'est une voiture qui vraiment vaut... tu sais, au niveau des petites sportives, là, il n'y a pas beaucoup de voitures qui procurent autant de plaisir de conduire. Non, je suis d'accord. C'est vraiment quelques petits véhicules dans ce genre-là qui sont capables de t'apporter autant de plaisir de conduire. Mais tant qu'à ça, j'irai avec une version de base. Là. Tu vas avoir autant de plaisir avec une version de base, quitte à modifier les freins à un moment donné, vous-même, acheter un kit de freins différents puis des choses comme ça. Là, mais sinon, je pense pas que ça vaut aussi tant la peine que ça de dépenser autant pour une voiture qui fait juste flasher, là. C'est pas... Oui, mais à pogne. Pour être sûr. Elle est magnifique. Je l'ai vu en allant chercher une autre voiture de presse un moment donné, puis elle est vraiment belle, là. Oui, la blanche et tout, là, a vraiment de la gueule, là. Mais, tu sais, c'est cher pour pas avoir beaucoup plus de performance qu'une version de base. Là. Même aucune performance de plus qu'une version de base, juste du look. Exactement. Mais, ouais. Et vous, mon cher, qu'est-ce que vous avez conduit cette semaine? Moi, j'étais dans la Ford Mustang EcoBoost en version cabriolet. J'avoue que l'amateur de Mustang en moi a eu un petit peu de douleur à la poitrine. Pourquoi? J'ai pas trippé sur la combinaison moteur-transmission. Okay. Le moteur est correct, là. Je veux dire, c'est un moteur qui est quand même moyennement puissant. C'est 310 chevaux, 350 livres-pieds de couple, mais on dirait que il y a la nouvelle transmission à 10 rapports dessus. Puis par bout, on a l'impression que la transmission sait pas trop où se lancer. Si t'accélères vraiment, t'écrases l'accélérateur, tu vas avoir de la performance, là. Elle va décoller, puis elle a le goût, ouais, d'y aller. Mais si t'essaies de conduire un peu de manière sans stick, économe, puis tout ça, puis tu veux pas trop accélérer, t'as l'impression qu'il y a rien qui se passe. T'arrêtes une lumière rouge, t'arrêtes un stop, puis tu veux accélérer juste tranquillement pour... T'as l'impression qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Ou tu roules sur l'autoroute, tu veux faire un dépassement, ou tu roules à vitesse d'autoroute, ben, à un moment donné, la transmission va se mettre à monter pas à descendre sans nécessairement trop savoir pourquoi. À un moment donné, j'ai même pensé sur un stop que l'auto avait calé parce qu'elle n'avait juste pas parti quand j'ai accéléré. Puis à un moment donné, elle donnait un coup et elle est partie. Fait que je sais pas, j'ai eu comme la sensation que la combinaison moteur-transmission n'était pas optimale. Mais pour le reste, c'est une Mustang qui va vous donner une consommation de, si vous êtes un peu, si vous faites attention un peu, en bas de 9 litres au 100 km, qui est pour une voiture de ce grosseur-là, c'est exceptionnel, on pourrait dire. Pour une Mustang, c'est exceptionnel, là. Puis le restant, comportement routier, c'est bien. Je veux dire, on est tout équipé, on est dans une voiture moderne avec des systèmes d'aide à la conduite, puis un système audio qui est très bien chez Ford maintenant. Le Sync 3, c'est le jour et la nuit avec ce qu'ils nous offraient avant. La tenue de route est quand même bien, même si c'est une voiture qui est lourde, on la sent pas trop lourde, elle se comporte bien sur la route. Moi, j'ai de la misère avec la nouvelle Mustang. Ça, je suis de ce côté-là, là, je la trouve effectivement lourde, puis je trouve qu'elle est difficile à contrôler. Je suis pas le plus grand des pilotes au monde, là, mais je la trouve difficile à contrôler de ce point de vue-là. Ben c'est ça, c'est une voiture qui n'est pas légère en partant. C'est pas une voiture... On la met dans la catégorie des voitures sport, là, mais c'est pas une petite sportive. Là. C'est un pony car. C'est supposé être une voiture... Ouais, mais c'est un muscle car. C'est pas une BRZ ou c'est pas une voiture de sport comme ça. Là. On la sent lourde. Là, comme ça, là. Mais, oh, ben oui. C'est sûr qu'une Mustang GT avec le moteur V8, aujourd'hui avec des puissances de au-dessus de 400 chevaux, 500 chevaux, là, on le ressent beaucoup plus. Puis le ratio poids-puissance est beaucoup moins un problème. Mais quand tu tombes avec un moteur de 310 chevaux turbo, quand le turbo embarque pas nécessairement au bon moment, ben, pas l'impression que tu as quelque chose de puissant entre les mains, tu as l'impression que tu as une voiture ordinaire, tu sais. Mais ça a la consommation d'une voiture ordinaire aussi. Fait que vous avez le look d'une Mustang en ayant la consommation d'une berline, genre une fusion, quelque chose comme ça. Fait que c'est quand même pas si mal. L'espace est quand même bien. En arrière, je veux dire, encore là, mon fils était là, puis il était confortable. Le coffre est immense pour le type de voiture. Là. C'est quelque chose de surprenant comment que le coffre d'une Mustang peut être grand. Là. Et quand même assez logeable. L'ouverture est quand même assez grande aussi, donc c'est pas nécessairement difficile de mettre quelque chose dans le coffre. C'est une voiture qui a quand même de la gueule, même si j'ai encore de la misère avec le nouveau design. Je veux dire, il y a quelque chose qui accroche pas comme ça accrochait avant. Puis pourtant, j'étais un grand, grand fan de Mustang. Là. Je veux dire, j'ai des Mustangs partout dans mon bureau. J'ai toujours aimé la Mustang. Mais la nouvelle, j'ai de la misère. Puis c'est drôle, j'en reviens tout le temps. À chaque fois que je conduis la nouvelle Mustang, j'en reviens à un documentaire que j'ai regardé sur Netflix qui parle justement du développement de la nouvelle Mustang. Puis à un moment donné, il y a le gars qui est en charge du projet Mustang. Là. Il a tout le poids sur ses épaules pour développer la nouvelle Mustang. Puis ils ont presque pas été au bon temps. Ils ont presque dépassé le temps limite pour la développer, l'auto. Ça marchait pas. Il y avait des problèmes. Il y avait des choses qui fonctionnaient pas comme il faut. Puis à un moment donné, ils sont dans un stationnement. Puis c'est dans le temps où ce qui roule, les voitures... Puis ils sont tous camouflés, tout ça, mais il faut qu'ils fassent des tests à l'entour de Détroit. Puis il y a une fille qui travaille chez Ford, puis il dit, qu'est-ce que t'en penses de la nouvelle Mustang? Il dit, pour moi, c'est pas une Mustang. Elle dit, je la regarde, puis je vois pas la Mustang dans cette voiture-là. Puis je sais pas, pour moi, ça m'accroche pas. Puis le gars, il dit, j'apprécie que tu me dises vraiment ce que t'en penses, puis, tu sais, on va s'en aller avec. Mais il était trop tard, le design était finalisé, puis tout ça. Mais elle a eu la même réaction que moi, j'ai eu quand j'ai vu la voiture en partant. Puis j'attendais la nouvelle version de la Mustang depuis des années. Là. J'ai commencé à faire du podcast pour faire des shows au début, parce que je trippais vraiment Mustang, pour faire des shows sur la Mustang en partant, puis me rendre jusqu'au 50e anniversaire pour le dévoilement. Puis ça, j'attendais cette voiture-là avec vraiment, vraiment de l'impatience. Ouais. Puis quand la balloune m'a un peu pété. Là, il faut quand même ajouter quelque chose. Là, OK? Ouais. Faut pas oublier que la Mustang, c'était un char typiquement nord-américain. Oui. C'est un char qui se vendait chez nous. Seulement chez Ford, nous. Ford est devenu une compagnie globale qui a envie de vendre des chars partout. Puis, ils ont voulu globaliser leur design aussi. Ouais. Et ils l'ont fait, et ça va super bien. Alors qu'ils vendaient moins de 5% des Mustangs en dehors de l'Amérique du Nord, ils en vendent maintenant 35 à 40% en dehors de l'Amérique du Nord. Ouais. Fait que, tu sais, il faut aussi regarder ça, là. Il faut voir que Ford l'a fait en essayant de conserver les amateurs de Mustang que nous sommes, mais en voulant aussi conquérir des nouveaux marchés. Là. C'était surtout d'aller conquérir des nouveaux marchés. Puis on l'a beaucoup rendu européenne avec un design plus européen et tout ça. Fait que c'est sûr qu'en Europe, ça l'a pogné. Là. Puis il faut s'entendre aussi que le moteur, le 4 turbo, le 4 cylindres turbo de 2,3 litres qu'on a dans Mustang, c'est majoritairement pour répondre aux normes européennes, parce qu'un V8 en Europe, ça te coûte cher de taxes et pas à peu près. Là. En France, c'est meurtrier. Là. C'est le malus sur une Mustang GT en France. Là. Je me rappelle pas, je pensais pas 5 ou 8 000 $ de plus que tu payes juste à cause du moteur. Là. Fait qu'un moteur, un 4 cylindres, ça va se vendre en Europe, tandis qu'un 8 cylindres, ben, ça va se vendre, mais ça prend vraiment quelqu'un qui est prêt à payer pour avoir ce type de voiture-là, puis payer l'espèce de surtaxe qui va avec ça. Donc, c'est sûr que je comprends, mais tu sais, je m'ennuie un peu du V6 qu'il y avait dans Mustang. T'sais, tout le monde disait dans le temps, une Mustang avec un V6, c'est pas une vraie Mustang, ça te prend un V8. Ouais, mais le V6 était quand même assez puissant, donnait des bonnes performances, mais ça cassait pas à banque à chaque fois que tu allais mettre de l'essence dedans. Mais tu sais, ça avait un son un peu mieux aussi que le 4 cylindres. Le 4 cylindres n'a pas de son. Fait que c'est vraiment comme une Mustang sans avoir ce qui va un peu alentour de la Mustang. Le bruit, le son, ça va un peu avec ça aussi, avec la Mustang. Puis on n'a pas ça avec le 4 cylindres. Fait qu'il y a beaucoup de choses. Je comprends ce que ça fait, mais je comprends aussi ce que ça manque, tu sais. Comme oomph pour cette voiture-là. Mais bon. Je veux dire, c'est quand même une voiture qui est intéressante à conduire et tout ça, mais je sais pas, j'ai pas Ça fait longtemps que je voulais essayer le 4 cylindres, puis j'ai pas t'as pas trippé, hein? Non, j'ai pas trippé sur le 4 cylindres. Mais bon, c'est pas grave. Si vous cherchez ça, je veux dire, c'est une voiture qui est complète quand même, puis c'est agréable, puis elle est convertible. On enlève le toit, puis les cheveux au vent, et c'est agréable là, quand la température le permet. Mais c'est ça. C'est une voiture que, tant qu'elle allait me chercher une Mustang, là, j'irais probablement avec un V8 présentement. Puis le prix. C'est-à-dire, quand le V6 était disponible, je pense qu'une Mustang, ça commençait à 24 000 $, 23 900, 24 000. Ouais. Puis aujourd'hui, une Mustang, ça commence à 29 000. Ouais. C'est 31 000 au Québec, vu qu'on ajoute les taxes, là, les taxes, ouais, les transports et préparation. Ouais. Ouais, c'est parce que nous, on l'affiche directement. Les autres, ils le chargent pareil, mais... Mais tu sais, c'est 29 000 $ au lieu de 24 dans le temps, là, c'est plus la voiture du peuple. Tu sais, la Mustang, c'était la voiture du ce qu'il appelait du blue collar, là, tu sais, le travailleur normal, ouais, qui pouvait se payer une Mustang. Ça. C'est plus ça. Le cas, là. À presque 40 000 $, là, je veux dire, tu sais, avec les taxes et tout ça, tu approches le 35 000 $. C'est pas tout le monde qui peut se payer une voiture à ce prix-là. Fait que c'est plus la voiture de tout le monde. C'est rendu une voiture pour plus l'élite ou les gens qui sont en moyen. Là. Fait que c'est un peu dommage, ça aussi. Mais bon, c'est Ford qui décide. C'est pas moi qui décide où qu'on s'en va avec ça. Exactement. J'ai pas mon mot à dire. Mais donc, Marc, on va terminer là-dessus parce que tu as des choses à aller terminer avec ta soirée chez Kia. Si les gens veulent te rejoindre, comment font-ils cela? Ben, en fait, Facebook est probablement le meilleur moyen. Vous me cherchez sur Facebook, je réponds à tout le monde. Vous pouvez aller sur Twitter aussi, Marc souligné Bouchard, Instagram Bouchard souligné Marc. Bien sûr, il y a mon blog marcbouchard.ca et info@saroulradio.com qui est l'adresse courriel à laquelle on répond tous les deux. Exact. Pour moi, sur Twitter, Scalazormo, sur Facebook, Luc Desormeaux, sur Instagram, Desormeaux Luc. On est aussi disponible maintenant sur Spotify, sur Google Play et sur iTunes, et puis sur deux radios web, sportradio.ca et Radio Média Plus. Je suis en train de les mélanger. Je vais faire un nom pour les deux radios à un moment donné, ça va être super simple. Et puis sinon, vous pouvez aller sur le site saroulradio.com pour télécharger l'émission directement de là. Donc, Marc, je te souhaite une bonne fin de soirée avec les amis de chez Kia. Et puis, on se reparle la semaine prochaine. Et aux auditeurs, je vous souhaite une belle fin de semaine. Et on se reparle à la semaine prochaine. Bye. Bye, bonne semaine.